La cabane dans l'arbre. En finissant l'école, tous les jours, Raphaël revenait en autobus aux côtés d'Alex. Il adorait ce moment quotidien, car son ami racontait sa journée de façon animée, rigolote et tellement divertissante. Pendant que Raphaël l'écoutait, Alex pouvait passer du rire aux larmes sans drame. Il était coloré, humoristique, et c'est ce que Raphaël appréciait de son ami. Raphaël était plutôt discret et timide, mais l'univers d'Alex lui permettait de rire et de s'exprimer avec une grande liberté, car Alex aimait aussi écouter son ami. Mais il savait que c'était plus facile pour Raphaël de se confier quand ils étaient seuls tous les deux. Chaque soir, après le souper, ils se retrouvaient dans le bois, derrière le parc, afin d'avancer la construction de leur cabane magique dans un arbre. C'est Raphaël qui était l'initiateur du projet. Son père lui avait appris, dès son jeune âge, à manier les outils. Il enseignait à son tour à Alex, qui était fier d'apprendre à ses côtés. De jour en jour, leur projet prenait forme et se transformait en véritable petit paradis secret. Le seul autre invité était Kimono, le chien adoré de Raphaël. C'était un espace pour eux seulement. Alex avait même ajouté une guirlande de petites ampoules qui créait une ambiance magique. Une belle journée de printemps, Alex entra dans l'autobus et alla s'asseoir, comme à l'habitude, juste à côté de son ami Raphaël. Cette fois-ci, Alex ne parlait pas. Il ne riait pas. Il ne bougeait presque pas. Raphaël se pencha vers lui et lui demanda « Est-ce que ça va? » Alex fit non de la tête, sans plus. Raphaël ne reconnaissait pas son ami, mais il pouvait comprendre sa difficulté à exprimer ce qui se passait en lui. Alors il ne posa aucune question. Plus que jamais, il désirait être là, malgré son silence. Après tout, c'est aussi ça l'amitié, être présent quand ça va moins bien. Raphaël donna rendez-vous à son ami pour le lendemain. C'était une journée de congé et il désirait bien en profiter pour accompagner son ami. Au réveil, en ce samedi matin, Raphaël ajouta dans son sac à dos les biscuits au chocolat préférés de son ami, des provisions pour Kimono, de l'eau pétillante et des jeux de société. En arrivant plus tôt à la cabane, il fabriqua une toute petite porte dans le plancher de leur cachette, sous le regard confiant de Kimono, qui avait trouvé un endroit très confortable pour se coucher. Quand il entendit des pas, il regarda par le trou de la fenêtre. Il vit Alex arriver. Alex monta dans la cabane et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir tout ce que son ami avait préparé pour lui. C'est en grignotant les biscuits qu'Alex raconta que ses parents avaient eu une discussion avec lui et qu'ils allaient se séparer à la fin de l'année scolaire. Il devrait déménager. Et ça le peinait beaucoup. Il n'arrivait plus à rire ou à pleurer. Mais il était heureux de rejoindre son ami aujourd'hui. Lorsqu'il découvrit la petite porte que Raphaël avait ajoutée au plancher, il regarda et lui demanda « Qu'est-ce que c'est? » Raphaël expliqua à son ami que cette deuxième petite porte était une porte magique. « Tu sais, Alex, tu m'as beaucoup aidé à m'exprimer. Sans toi, c'était plutôt difficile. je suis plus secret. Et tu m'as aidé à mettre des mots sur mes peines, sur mes colères. Tu ne m'as jamais jugé. Cette petite porte est une porte magique. Quand nous ressentirons beaucoup d'émotions et que parfois c'est difficile d'en parler, nous pourrons y lancer nos peines et nos colères pour les sortir de notre cœur et y laisser revenir la joie et nos rires. Tu sais à quel point nous sommes les spécialistes pour rire ensemble. C'est en faisant une promesse qu'ils décidèrent que ça deviendrait la cabane du bonheur, où il serait possible d'aller se ressourcer, manger des jujubes en cachette, faire des courses à obstacles. Ici, ils seraient toujours chez eux. Et c'est sous le regard de Kimono, en riant et en levant leur eau pétillante comme un grand champagne, que les deux amis prirent l'engagement d'être toujours là, un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Alex ajouta, « Après tout, quand je suis avec toi, je me sens toujours chez moi. »